بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات auditeurs et auditrices qui nous suivent sur la radio Bilal Al-Kini en collaboration avec les frères de Ahl Sunna min Medina Montpellier le collectif pour le savoir et la miséricorde Barakallahu fikum jami'an. Donc j'espère que vous avez passé un bon Eid et que vos jours de festivité se sont passés au mieux. Barakallahu fikum jami'an. Fa marhaban bikum jami'an ya ayyuhal ikhwa dans cette assise qui se veut être notre reprise de cours dans l'étude des trois principes fondamentaux avec les explications de Cheikh Ubaid ibn Abdillah ibn Suleiman ibn Ali al-Jabiri al-Hamdani rahimahullah, le défunt Cheikh, le grand savant de la Sunna rahimahullah qui nous a quitté il y a peu. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Et donc nous allons reprendre aujourd'hui notre étude de son explication des trois principes fondamentaux. Avant de commencer à nouveau dans le livre, on va faire un petit récapitulatif de certains éléments importants à retenir de son explication. Et comme à mon habitude, une habitude que j'essaye d'instaurer dans ce programme, on va d'abord, avant tout, commencer par une modeste exhortation par rapport à la science. Et aujourd'hui, donc l'explication que je veux vous donner concernant un point relatif à la science et son acquisition, c'est une notion bénéfique de Cheikh Abdullah Al-Zafiri, hafidhahullah, concernant l'importance d'avoir un cœur pur, avoir un cœur saint, qui est préservé de la souillure et des maladies du cœur. Naam, car les péchés entachent le cœur, affectent le cœur, et celui qui veut apprendre sa religion correctement et la comprendre, et avoir le succès dans la quête du savoir, doit faire attention à l'état de son cœur. Car celui qui, par exemple, étudie le savoir, mais à côté fait énormément de péchés, ceci ne l'aidera pas. Bien entendu, le fait d'apprendre va l'aider à lutter contre les péchés. C'est une chose qui est importante à retenir. Il ne faut pas se dire « je fais des péchés, donc je n'apprends pas le savoir ». Là, continue à faire des efforts quant à l'acquisition du savoir, tout en faisant des efforts dans le délaissement des péchés. Et donc, je m'en vais vous lire et vous traduire directement dans le sens des propos du Cheikh. Concernant le quatrième point qu'il a abordé dans son épître, qui est « salahul qalb », c'est-à-dire concernant la rectitude du cœur, le fait que le cœur soit sain, S-A-I-N, dans un bon état, dans une bonne situation. Et il mentionna que le cœur est le récipient du savoir, et que si le récipient est sain, alors il va contenir ce qui sera entreposé, et il va le conserver, il va le préserver. Tandis que si le récipient est corrompu, il y en a par les péchés ou ce genre de choses, s'il est corrompu, alors il ne conservera pas ce qui sera entreposé. Et il a mentionné que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a établi le cœur comme étant la base de toute chose. C'est-à-dire qu'il a décrit le cœur comme étant la base de toute chose. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith unanimement reconnu authentique, c'est-à-dire rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari et dans le sahih de l'imam muslim, il a dit, alayhi salatu wa sallam, et certes dans le corps, il y a un morceau de chair, qui s'il est sain, le reste du corps le sera, et s'il est corrompu, alors le reste du corps le sera également. Et c'est le cœur. Et justement, après avoir fait cette introduction concernant l'importance de la rectitude du cœur et de la droiture du cœur dans la quête du savoir et dans la religiosité de l'être humain de façon générale, comment on parvient à ça? C'est-à-dire comment on parvient au fait d'avoir un cœur pur, un cœur sain, un cœur droit? Comment on fait pour y parvenir? Le Cheikh l'explique. Il dit « وَصَلَحُ الْقَلْبِ يَكُونُ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ » C'est-à-dire que dans son livre, il a mentionné que la rectitude du cœur, on y parvient par le fait d'obtenir la connaissance d'Allah par rapport à la connaissance que l'on a de ses noms, de ses attributs et de ses actes. Ensuite, également, il dit « وَتَفَكُّرِ فِي مَخْلُوقَاتِهِ وَآيَاتِهِ » Dans le fait de méditer dans la création d'Allah, c'est-à-dire dans ses créatures, par rapport à ses créatures et ses signes dans sa création. Azza wa Jal. وَيَكُونُ بِتَدَبُّرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Et on arrive à la rectitude du cœur, avoir un cœur bon, par le fait de méditer sur les versets du Coran al-Azim. Donc par le fait de connaître Allah, de méditer sur sa création, Naam, le fait de lire et de méditer, il y en a de lire avec méditation, c'est-à-dire avec concentration et avec une approche par laquelle on cherche à comprendre l'essence du Coran, yani yakunu kadhalika bi kathrati sujud, et si ceci est joint au fait de faire beaucoup de sujud, là ce qui est voulu, c'est yani dhikr al-kul bi dhikr al-ba'd bi iradat al-kul, c'est-à-dire le fait de citer une partie mais visant un ensemble. C'est-à-dire que quand on dit beaucoup de prosternation, ça ne veut pas dire qu'il faut juste faire beaucoup de prosternation tout simplement. Ce qui est voulu, c'est la prière, car le sujoud fait partie de la prière. C'est la mention d'une partie visant la globalité d'une chose. Donc, en fait, le fait de faire beaucoup de prières surérogatoires, obligatoires déjà dans un premier temps, et surérogatoires. Waqiyam al-layl, et le fait de faire des prières de nuit. Ça, ce sont des choses qui vont amener à la rectitude du cœur. Je récapitule. Le cher a abordé, yani parmi les recommandations qu'il a données pour obtenir la rectitude du cœur, la connaissance d'Allah par ses noms, la connaissance de ses noms, la connaissance de ses attributs, la connaissance de ses actes, par le fait de méditer quant aux créations d'Allah, sa création et ses créatures, et les signes dans sa création. Et par la méditation des sens du Coran, des versets du Coran al-Karim. Et également par le fait de faire beaucoup de prières, et le fait de faire Qiyam al-Layl. Ça, ce sont des choses qui vont aider. Ce n'est pas une liste exhaustive. Ce n'est pas une liste complète de tout ce qui doit être retenu, et yani de tout ce qui existe pour rectifier le cœur. Mais c'est parmi les moyens principaux. Également, il y a les causes à mettre en place pour que le cœur soit bon, mais il y a aussi des choses à éviter qui sont des éléments qui sont des éléments corrupteurs. Et le cheikh, il explique, donc, il s'écarte des éléments corrupteurs du cœur et de ce qui le rendrait malade. C'est-à-dire ce qui le contaminerait et le rendrait malade. Car ces éléments-là, ces éléments corrupteurs ou ces éléments qui rendraient malade le cœur, alors s'ils se trouveraient au sein du cœur, alors le cœur ne serait plus en mesure de porter le savoir. Et quand bien même il arrivera à le porter, à porter le savoir, alors il ne le comprendrait pas. Comme Allah Azza wa Jal l'a mentionné concernant al-munafiqin, c'est-à-dire concernant les hypocrites, qui sont des gens dont les cœurs sont malades, Allah a dit dans Surat al-A'raf, le verset 179, « Lahum qulubun la yafqahuna biha » Ils ont des cœurs, mais avec lesquels ils ne comprennent pas. Ensuite, le cheikh a abordé deux maladies principales parmi les maladies du cœur. Parmi les maladies du cœur principales, al-shahawat ou al-shubuhat. On avait vu le terme shubuhat. Le terme shubuhat, yani, qui est le pluriel de shubha, ça renvoie à quelque chose de faux, mais qui a l'air d'être vrai. Qui a l'air d'être vrai. Donc, al-shahawat, ce terme fait référence au penchant destructeur, c'est-à-dire aux tendances, aux pulsions vers l'illicite qui mènent à la destruction du serviteur si il se complaît dans leur assouvissement. C'est-à-dire que si le serviteur assouvit ses pulsions, assouvit ses désirs de manière illicite, ceci causera sa perte. Les shahawat font référence, et essentiellement dans ce contexte-là, aux pulsions vers l'illicite. Donc, fa shahawat, le shir donne un exemple. Il dit « kahubbid dunya wa maladhatiha » comme l'amour de ce bas monde et de ce qui s'y trouve comme délectation. Et le fait d'être préoccupé par elle, c'est-à-dire d'être omnibulé, d'être obsédé par la dunya. Et le fait d'aimer les images illicites, et le fait d'écouter les choses qui sont illicites à l'écoute, comme parmi les sons, parmi les instruments de musique et parmi les chants. Et également le fait d'observer des choses qu'il nous est illicite d'observer. C'est-à-dire des péchés donc avec les yeux. Car comme les gens de science l'ont expliqué, les yeux et l'ouïe ont un impact sur le cœur. Allah nous a créés, nous a fait sortir du ventre de nos mères alors que nous ne savions rien. La science va dans le cœur. Mais par où elle passe? Par les yeux, quand tu lis un livre de science. Par les oreilles, lorsque tu écoutes un cours de science. Ce sont les voies qui mènent au cœur. Donc si tu y fais rentrer la science, inshallah, selon l'état de ton cœur, s'enracinera plus ou moins profondément dans ton cœur. Et aura un impact plus ou moins pertinent et patent sur ton cœur. Mais également, si tu laisses tes yeux regarder des choses qui sont illicites, ou si tu laisses tes oreilles écouter des choses qui sont illicites, ceci aura également un impact, mais quant à lui, néfaste et dévastateur sur ton cœur. Et ça s'en ressentira dans ta quête du savoir. Ça, c'était une parenthèse que j'ouvrais. Barakallahu fikum. Ensuite, concernant al-shubuhat, concernant les ambiguïtés, il dit « qu'al-i'tiqadat al-fasida » comme les croyances corrompues, c'est-à-dire les fausses croyances. « wal-a'mal al-mubtada' » et les actes innovés. والانتماء للاتجاهات الفكريه البدعيه المخالفه لمسلك السلف الصالح comme le fait d'adhérer à des mouvances idéologiques innovées qui sont en opposition avec la voie des pieux prédécesseurs. Également parmi les maladies du cœur qui sont des entraves dans la quête du savoir et dans l'acquisition du savoir, al-hasad, la jalousie, wal ghil, l'animosité, wal kibr, et le fait d'avoir de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quelque chose qui est très dangereux pour celui qui veut apprendre le savoir. Car l'orgueil, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait défini, c'était batarul haqq wa ramtun nas, c'est-à-dire le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens, d'être yani méprisant, d'être hautain ou condescendant envers les gens. Ensuite, parmi les éléments qui corrompent le cœur, le cheikh aborde un sujet, des sujets sensibles, fudulun nawm, le fait de trop dormir. Le fait de trop dormir. Wa fudulul kalam, et le fait de trop parler. Wa fudulul ta'am, et le fait de trop manger. Ça, je sais que ça, c'est des points sensibles pour beaucoup d'entre nous. Et donc, dans le fait de se prémunir de ces choses-là, de ces maladies du cœur, et de ces éléments qui sont des éléments corrupteurs du cœur, il y a en cela la rectitude du cœur, bi-idhnillahi azza wa jalla. Juste, j'attire l'attention sur les trois derniers points que le cheikh a mentionnés. C'est-à-dire parmi les choses qui sont des éléments corrupteurs du cœur. Yani fudul an-nawm, le fait de trop dormir. Yani l'imam Najama'a, dans son livre Tazkirat al-Sami' al-Mutakallim, avait dit qu'en l'occurrence, il ne fallait pas dépasser 8 heures. Pour le talib al-ilm, qui ne devrait pas dépasser 8 heures. Après, c'est chacun qui voit selon son besoin par rapport à son métier, ses activités quotidiennes. Mais ce qui doit être compris, c'est que la personne qui veut la science ne doit pas être oisif, c'est-à-dire se complaire à dormir au-delà de ce qui est nécessaire. Car ceci est quelque chose qui corrompt le cœur. Wa fudulul kalam, concernant le fait de trop parler, tant que tu parles dans le khair, falabas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que dans le silence, il y avait une salvation. En effet, là j'ouvre une parenthèse, je ne suis plus dans le livre du cheikh, et c'est quelques favorites qui me viennent à l'esprit que j'aimerais partager avec vous. Barakallahu fikum. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans le kitab Zuhd ibn Abi Asim, et le hadith a été considéré hassan par Al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith, quiconque s'est tu fut sauvé, ou fut yani et sauf. C'est-à-dire, man somata naja. C'est-à-dire, yani celui qui s'est tu, en vérité, il a été la cause de sa salvation. Qu'est-ce qu'il voulut? Parce que dans un autre hadith, qui sert de complément entre guillemets dans notre compréhension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc, dans le sens où tu as des lignes directrices. Si tu veux parler, si tu es quelqu'un qui croit en Allah au jour dernier, que tu dises du bien ou tu tais-toi. Donc, si tu dis du bien, c'est des hasanat, c'est du ajab, c'est des bonnes paroles qui seront inscrites dans tes registres de bonnes actions. Et si tu n'as rien de bien à dire et que tu voudrais dire quelque chose de mal, alors tais-toi. Et celui qui s'est tué est sauvé. Il s'est sauvé. Et comme un de mes mâchers, Cheikh Badr Anazi nous a enseigné, avait enseigné plutôt à une occasion, les paroles que l'on peut prononcer sont de trois. En vertu d'un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al-halal bayin wa inna al-haram bayin wa baynahuma umurun mujtabihat la'alamuhunna kathirun minan nas wa man itaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa ardi » Al-hadith. C'est-à-dire que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le halal est clair et le haram est clair ». Et entre eux deux, il y a des paroles qui sont il y a des choses dont le jugement est équivoque, dont peu de gens connaissent la réalité, c'est-à-dire la réalité quant à leur jugement. Et dans ce propos-là, on peut l'appliquer dans les propos que l'on tient. Il y a des paroles, tu sais que c'est des paroles qui sont bonnes à dire. Tu le sais, le dhikr d'Allah, l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal, des choses qui sont bonnes. C'est des choses vis-à-vis desquelles tu es certain qu'elles sont bonnes. Prononce-les. Également, il y a des choses que tu sais que ce sont des paroles illicites. Ce n'est pas bien de les dire, ce n'est pas correct, ce n'est pas quelque chose qu'Allah aime et agrée, ce n'est pas quelque chose qu'Allah approuve. Abstiens-t'en. Et après, il y a une troisième catégorie de paroles. Ce sont des paroles vis-à-vis desquelles tu es incertain. C'est-à-dire, tu n'es pas certain. Est-ce que c'est bon de le dire? Est-ce que c'est bien de les dire? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais? Tu n'es pas certain. Abstiens-t'en. Comme ça, tu te prémunis du blanc. Taille. Donc ça, c'était certains points supplémentaires que je voulais rapporter avant que l'on commence dans le vif du sujet. Sachant qu'on va faire un bref récapitulatif des éléments importants et précieux que l'on a étudiés et dont on a tiré bénéfice et profit à travers l'étude de l'explication de Cheikh Obeid Al-Jabri dans le cours précédent qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et ensuite, on abordera de la nouvelle matière à proprement parler, Inch'Allah. Taïm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, on va faire une brève révision, un bref récapitulatif concernant les éléments qui ont été abordés il y a deux semaines dans notre premier cours sur le livre en lui-même. Donc, on est toujours dans la partie du livre, c'est-à-dire du livre Thalathatul Usul, où l'auteur a dit Ya'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'a masa'il. C'est-à-dire qu'il nous incombe d'apprendre quatre points. Al-mas'alatul ula, le premier d'entre eux, al-ilm, c'est la science. Wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyyih, sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'rifatu din al-islam bil-adillah. Donc c'est le premier point de ces quatre points, c'est la science, et c'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, et la connaissance de la religion de l'islam, avec les preuves. Ensuite, le deuxième point, al-thaniya al-amalu bih. Donc le deuxième de ces points, c'est la mise en application, la mise en pratique. Et ces points-là, jusque-là, on les a étudiés. Et on s'était arrêté dans le troisième point. Al-thalitha al-da'watu ilayhi. Le fait d'appeler à cela, l'appel à cela. Donc on s'était arrêté dans l'explication de Shu'ubi de ce point-là. Et on va le compléter, on va le mener à complétion quant à l'étude de l'explication de ce point. Et ensuite, on abordera al-rabi'a, al-sobru ala al-adhafi, possiblement. C'est-à-dire concernant la patience face aux nuisances subies dues à cet appel. Donc parmi les points importants, on avait tiré comme enseignement que le terme « sache », c'était le fait de commencer le livre par « ya'lam », c'était un procédé par lequel on interpelle la personne, c'est-à-dire qu'on attire son attention, et on attire son attention, on capte son attention, on capte son intérêt, on suscite son intérêt, et également ça renvoie à l'importance de ce qui va suivre comme propos. Et ça, c'était quelque chose qui était une habitude chez les ulémas dans leurs ouvrages. Quant à la dua « rahimakallah », on avait tiré comme bénéfice, que c'était une bonne attitude à avoir, de fait d'invoquer en faveur de celui à qui on fait une exhortation, à qui on donne le bon conseil. Car ceci est plus à même à faire que la personne accepte ce qu'on va lui transmettre comme précepte ou comme enseignement. Parmi les points importants qu'on avait vus, c'était la définition du ilm, du savoir, dans le contexte linguistique. Et ceci, on avait vu la définition de Shu'ubi, que c'était l'opposé de l'ignorance, c'est-à-dire que le savoir est l'opposé de l'ignorance, et ceci consiste à percevoir la réalité d'une chose conforme à ce qu'elle est d'une perception qui est catégorique. C'est-à-dire percevoir une chose en conformité à sa réalité, et cette perception est catégorique. Elle n'est pas, c'est pas quelque chose dont tu doutes ou vis-à-vis de laquelle tu as une quasi-certitude, etc. Tu es certain de ta perception de la chose. Ensuite, on avait vu une excellente définition du savoir, quant au savoir religieux, que c'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves. Et ça, c'est ce qu'on appelle les trois fondements. Ensuite, parmi les points très importants à retenir concernant qu'est-ce que c'était la connaissance d'Allah, Cheikh Ubayd al-Jaberi, rahimahullah, avait mentionné que donc, la connaissance d'Allah, c'est la foi en lui. Et la foi en Allah implique et englobe quatre points. Le premier, c'était la foi en son existence. Le deuxième, c'était la foi en sa seigneurie souveraine. Et le troisième point, c'était la foi dans son droit exclusif à être adoré. Le quatrième point, c'est la foi en ses noms et à ses attributs. Et ça, c'était très important. Ensuite, parmi les points importants, on avait vu une règle. Et les règles, comme je vous avais dit, je vous avais incité et je vous avais recommandé à les noter. Car parmi les éléments importants à noter pour la personne qui veut réussir dans la quête du savoir, c'est de noter ce qu'on appelle « at-ta'rifat ». C'est-à-dire de noter les définitions. Ensuite, de noter également « at-taqsimat », les catégorisations. Et également de noter « al-furuq », les distinctions. Mais également de noter ce que l'on appelle « al-dawabit wal-qawa'id ». Al-dawabit, ce sont les règles à petite portée qui s'appliquent dans certains domaines limités et restreints de la religion. Et les « qawa'id », ce seraient les règles de grande ampleur, les grandes règles, les grands principes qui régissent la religion et qui abordent énormément de sujets, qui rentrent dans énormément d'aspects de la religion. Et donc la règle que l'on avait vue, c'est une règle importante, c'est al-aslu fil ibadat al-man'u illa bin-nass. C'est-à-dire que la base concernant les adorations, c'est l'abstention à moins qu'il n'y ait un texte. La base quant aux adorations, c'est l'abstention sauf s'il y a un texte. C'est-à-dire que si tu adores Allah, tu accomplis une pratique religieuse, par laquelle tu te rapproches d'Allah, tu ne peux l'accomplir qu'en te basant sur une preuve. Non. Parmi les points importants également que l'on avait vu, barakallahu fikum, c'est que les gens de la sunna ont deux critères qu'ils utilisent comme une balance afin de mesurer et de jauger les propos et les actes des gens. An-nas wal-ijma. C'est-à-dire que si une personne émet un propos ou accomplit un acte yani qui est conforme au texte ou au consensus, ceci sera accepté de lui. Quant au fait de contrevenir à une de ces deux sources référentielles, que sont le texte, an-nas qui englobe le Coran et la sunna, et al-ijma qui désigne le consensus, quiconque viendrait par une parole ou par un acte à s'opposer à un texte révélé, un texte scripturaire révélé, ou à un consensus, alors ceci sera rejeté de lui, qui que ce soit. Non. Et donc l'ijma, on avait vu que l'ijma, c'était l'unanimité des savants, capable de l'effort d'interprétation qui survient après le décès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant une époque quelconque, concernant une affaire de la législation. Parmi les points importants que l'on avait vus, également les deux conditions de validité des adorations. Ça, ce sont des fawa'id, yani nafisa. Ce sont des enseignements bénéfiques qui sont précieux, qu'il faut impérativement consigner dans son cahier, réviser et revoir et être à jour et mémoriser ces points. Les points que je récapitule sont vraiment ce qu'on appelle le noyau dur du cours. Yani l'essentiel à retenir du cours précédent. Et il ne faut pas arriver dans le nouveau cours alors qu'on n'a pas maîtrisé le premier cours ou au moins l'essentiel du premier cours. Car sinon, on ne tirera pas profit réellement de l'étude de la science. Car celui qui ne réussit pas dans l'étude de la science alors qu'il fait des efforts dedans, ça revient à soit un problème dans sa niya, dans son intention, soit ça revient à un problème dans sa méthodologie, c'est-à-dire dans la manière avec laquelle il étudie. Non. Et beaucoup de ceux qui ne réussissent pas dans leurs études, c'est parce qu'ils étudient tout seuls, sans revenir aux ulémas ou aux étudiants des ulémas, malheureusement. Taïb. Donc les deux conditions de validité, ou plutôt les deux conditions d'acceptation des œuvres, donc le fait de concrétiser l'ikhlas, le fait de vouer un culte pur et exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et le deuxième, le fait d'accomplir l'adoration en conformité à la pratique prophétique. C'est-à-dire en conformité avec la pratique qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux conditions sont des conditions pour que l'adoration soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite, parmi les points importants, dans le deuxième point, c'est-à-dire dans l'explication du point numéro 2, dans les quatre masa'il, à savoir la mise en application, on avait mentionné, en traduisant l'explication de Cheikh Ubayd, un athar, c'est-à-dire une narration d'un compagnon, d'un des compagnons, qui nous montre la ligne directrice quant à la mémorisation du Coran. Et ça, c'est un point important. Abdullah ibn Mas'ud disait, comme Cheikh Ubayd al-Jabari l'a rapporté, « Nous ne dépassions pas dix versets que nous apprenions de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tant que nous n'en ayons appris les sens et que nous les ayons mis en application. » Il dit alors, yani, nous apprenions la science et la pratique. Ça, ça doit être une ligne directrice dans ta mémorisation du Coran. Si tu es inscrit dans un markez, que tu apprends le Coran avec un professeur sur la sunna, qui est digne de l'enseignement, et que tu vas apprendre le Coran, tu ne dois pas te contenter d'apprendre le Coran et simplement le mémoriser et que tu n'en comprends pas l'essence. Il faut impérativement comprendre l'essence du Coran et pouvoir le mettre en application. Car Cheikh Al-Uthaymeen, comme on l'avait mentionné dans le cours précédent, à ce sujet-là, lorsque l'on avait abordé ce sujet-là, dans son livre « Usulun fi tafsir », il a expliqué que le Coran a été révélé pour trois objectifs. Pour être lu, pour être médité, pour être appliqué. Donc, le lire le Coran, c'est une grande ibada, ne serait-ce que de le lire. Mais si tu le médites, tu concrétises un autre objectif derrière lui. Et également, le fait de l'appliquer. Car la mise en application du Coran est essentielle. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Al-Qur'an hujjatun laka wa alayk » C'est-à-dire que dans un hadith authentiquement rapporté du prophète alayhi salatu wa sallam, il est rapporté qu'il avait dit alayhi salatu wa sallam que le Coran est une preuve en ta faveur ou en ta défaveur, c'est-à-dire en ta faveur ou contre toi. Non. Ensuite, parmi les points importants qu'on avait abordés, les trois types d'individus par rapport à la science et la mise en application. On avait vu qu'il y avait ceux qui étaient sur la norme islamique, c'est-à-dire qui étaient conformes aux enseignements de l'islam, qui étaient des gens qui avaient appris et appliqué. Ça, ce sont ceux qui auront le succès, qu'Allah m'accorde d'être de ceux-là, ainsi qu'à vous. Donc, Ceci est la meilleure des manières. Et c'est la manière qui est conforme à ce qu'Allah a légiféré. Le fait d'apprendre et d'œuvrer en conformité à ce que l'on a appris. La deuxième manière d'interagir avec le savoir, ce sera une manière qui est yani, blâmable, à savoir le fait de ne pas se conformer aux enseignements que l'on a appris. C'est-à-dire, par exemple, tu as appris des obligations, tu connais les obligations de l'islam, tu sais que tu es concerné par ces obligations, donc tu as une science, mais tu ne te conformes pas à ce que cette science implique comme œuvre. C'est-à-dire, tu n'appliques pas, tu n'obéis pas à Allah. Donc ça, c'est une science qui sera contre toi, Yawm al-Qiyam. C'est une science bénéfique, mais qui ne t'est pas bénéfique à toi. Comme Ibn Rajab al-Hanbali l'avait mentionné dans son livre « Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf ». C'est-à-dire qu'il avait expliqué que la science bénéfique, elle est de deux. La science bénéfique qui est bénéfique en elle-même et qui est bénéfique à celui qui l'a acquise, s'il se conforme à elle, c'est-à-dire s'il pratique ce qu'elle implique. Et la science qui est bénéfique en elle-même, mais qui n'est pas bénéfique à celui qui l'a apprise. Parce qu'il n'a pas œuvré, il n'a pas obéi, il n'a pas mis en application ce que cette science impliquait. La science en elle-même, elle est bénéfique, parce que c'est la science de l'islam. Mais est-ce qu'elle lui sera bénéfique à lui? S'il ne l'applique pas, au final, elle ne lui est pas bénéfique. Son acquisition ne lui sera pas bénéfique, parce qu'au final, ça devient une preuve contre lui. Non. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui œuvrent sans science. C'est-à-dire ceux qui œuvrent, ils essaient de se rapprocher d'Allah par des adorations, mais ils ne se basent pas sur une science. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne s'est pas basé sur la science. C'est basé sur les sentiments, les émotions, le ressenti personnel, l'appréciation personnelle. Et ce n'est pas comme ça qu'on doit adorer Allah. Allah a envoyé ses envoyés afin d'instruire les gens quant à la manière avec laquelle il veut être adoré et par laquelle il veut être obéi. Et donc justement, il y a un hadith azim concernant celui qui contredit la science qu'il a acquise, qui a été mentionné dans un hadith sahih, qu'un homme sera jeté en enfer. Et comme on l'avait expliqué, Cheikh Al-Uthaymeen avait dit que cet homme-là sera jeté avec une telle force en enfer que lorsqu'il arrivera en enfer, son ventre va s'entr'ouvrir. Et ses entrailles, c'est-à-dire ses organes internes, vont sortir de son ventre. Et il tournera en rond à l'image que de la mule qui tourne en rond autour de la meule. Taïb. Comme l'âne qui tourne autour de la meule. C'est-à-dire l'appareil qui sert à moudre. Et donc, les gens de l'enfer vont être intrigués par sa situation et vont l'interroger. Ils vont le reconnaître et vont dire « Oh, un tel, quelle est ta situation? Comment ça se fait que tu es ici parmi nous ?» Dans le sens du hadith. « Comment ça se fait que tu es dans cette situation ?» Alors que dans la dunya, il y en a dans la vie d'auparavant, durant notre vie, tu nous ordonnais le bien et tu nous interdisais le mal. Il va dire « Quant à moi, je vous ordonnais le bien, mais je ne le faisais pas. Et je vous interdisais le mal et je le faisais. » Donc, cette personne-là rentre dans la catégorie de ceux qui ont eu de la science, mais qui n'ont pas œuvré en conformité avec ce qu'elle impliquait. Dans le troisième point, qui était le point dans lequel on s'était arrêté, on avait mentionné certaines caractéristiques du prédicateur. Cheikh Obeid al-Jabiri a mentionné une liste qui est non exhaustive, c'est-à-dire que ce n'est pas une liste complète de tout ce que doit avoir comme caractéristique et comme qualité le prédicateur. Ce n'est qu'une liste et une mention de certaines de ces caractéristiques parmi les caractéristiques prioritaires et fondamentales que doit posséder le prédicateur qui appelle à Allah. Mais nous, qui voulons bénéficier du livre, yani si nous ne sommes pas des prédicateurs, alors nous nous inspirons de ces comportements à notre échelle. C'est-à-dire, la personne qui est mariée, il va être amené à ordonner le bien, interdire le mal à son épouse. Il va être amené à éduquer son épouse, à être amené à éduquer, à exhorter ses enfants, ou peut-être ses amis, ou ses collègues de travail, etc. Donc, on va s'inspirer à notre échelle de ces comportements-là afin de faire en sorte que notre exhortation, notre don du bon conseil, notre ordonnance du bien, notre interdiction du mal, nos recommandations et nos exhortations soient les plus efficaces possibles afin d'être une source de bien et ne pas provoquer un mal. Et donc justement, parmi les points importants qu'on avait vus, les qualités que Cheikh Obeid al-Jabiri avait mentionnées, je les résume et je les synthétise, on avait vu qu'il était important d'être diligent quant à la guidance des gens, c'est-à-dire le fait de désirer ardemment la guidance des gens, être diligent quant à leur guidance, et leur transmettre la religion d'Allah. Ça, c'était le premier point, être diligent. Le deuxième point qu'on avait vu, c'était le fait de faire preuve de douceur. Donc la douceur. Et on avait vu que la douceur n'était pas présente dans une chose sans que cela ne l'embellisse, et qu'elle n'était pas enlevée d'une chose sans que cela ne l'enlaidisse. Le troisième point, c'était la sagesse. La sagesse. Et on avait vu que c'était, d'après l'explication de Cheikh Obeid lui-même du terme, Al-Hikma, la sagesse, c'était mettre la chose, chaque chose à sa juste place. Et on avait mentionné une faïda supplémentaire de Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim qui avait défini la sagesse comme étant l'acte approprié, accompli de la manière appropriée, c'est-à-dire de la manière qui convient, au moment approprié. Barakallahu fikum. Et Allahumma barak, et en est, cette définition est une définition très, très bénéfique. Elle est très, très efficace. Walilalhamd. Donc, le quatrième point, al-mu'adatul hasana. On avait vu la bonne exhortation. Et on avait vu que c'était un juste milieu, dans un juste mélange, dans un juste équilibre entre l'incitation et la dissuasion. C'est-à-dire, l'incitation, c'est ce qu'on appelle at-targhib. L'incitation, le fait de faire désirer l'accomplissement d'un acte d'obéissance, par exemple. Et la dissuasion, dans le sens d'effrayer, de provoquer la frayeur chez quelqu'un quant au fait de faire un péché. Donc on le dissuade d'accomplir ce péché par le fait de lui mentionner les textes relatifs au châtiment qui découle dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà quant à celui qui viendra se rendre coupable d'un accomplissement particulier, d'un acte particulier, par exemple. Donc c'est un juste milieu entre l'incitation et la dissuasion. Ensuite, al-mujadalatu billati hiya ahsan. C'est-à-dire, al-mujadalatu al-hasana ou billati hiya ahsan. C'est-à-dire le fait de débattre d'une bonne manière. Et bien entendu, ça, c'est pour quelqu'un qui a un niveau, qui a un niveau en science, qui a acquis un savoir solide, entre guillemets, qui a des connaissances solides en sciences islamiques, et qui est apte à débattre avec quelqu'un qui cherche la vérité et vis-à-vis duquel on espère tirer un profit quant au débat avec lui. C'est-à-dire que ce n'est pas un débat stérile. C'est un débat productif dans le but d'éclaircir à quelqu'un qui cherche à comprendre, de lui éclaircir les choses afin de lui clarifier la vérité afin qu'il puisse se rétracter, se repentir, se réformer et se conformer à la religion de l'islam. Non. Et donc je pense que c'était là qu'on s'était arrêté. Wallahu a'lam. Donc on poursuit dans les explications de Cheikh Obeid al-Jabiri. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc là, on est en train de faire de la nouvelle matière. C'est-à-dire on fait une nouvelle évolution dans le kitab. Donc le cheikh, il dit, le débat est accompli de la meilleure des manières si celui auquel est adressé le prêche a besoin que l'on débatte avec lui afin d'enlever une ambiguïté. Alors il, c'est-à-dire le prêcheur, emprunte la voie la plus aisée afin de lui faire parvenir la vérité, comme Allah l'a mentionné dans le Coran selon le sens du verset en français, et appelle au sentier avec la sagesse et la bonne exhortation, et ne débat avec eux que de la meilleure manière. Certes, ton Seigneur est plus savant concernant celui qui dévie de sa voie, et il est le plus savant concernant ceux qui suivent la guidance. Le verset 125. Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallam d'appeler au sentier de son Seigneur. Non. Avec la sagesse et la bonne exhortation. Et concernant ce passage du Coran, Al-Hafidh ibn Kathir, le grand savant de l'exégèse du Coran, a dit... Allah, il dit, ordonnant son messager Mohammed, qu'il appelle la création à Allah. Il y en a la création à Allah, avec la sagesse. Non. Et concernant la sagesse, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, dans son tafsir, avait dit que c'est ce dont il lui a fait révélation comme livre et sunnah. Comme livre, le terme livre vise ici le Coran. Et sunnah, la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ouvre ici une parenthèse. C'est un point important à retenir. Car parfois, certaines personnes sont leurrées, notamment par les coranistes, de penser que le Coran est la seule révélation d'Allah. Or, il faut savoir, et il faut qu'il soit retenu, et il faut qu'il soit assimilé, que le Coran et la Sunna sont toutes deux des révélations. C'est-à-dire que ce sont toutes deux des références, des sources référentielles pour le musulman, et les deux viennent d'Allah. Sauf que le Coran est la parole d'Allah, telle qu'elle, c'est-à-dire dans les propos, dans les sens, et tout ce qui est dans le Coran, c'est exactement la parole d'Allah. Tandis que la sunnah, l'essence de ce qui est transmis dans la sunnah vient d'Allah, mais les propos, c'est-à-dire la formulation, la manière avec laquelle ça a été formulé, c'est la parole du messager d'Allah. Mais le sens de ce qui est contenu dans la sunnah est ce qu'Allah a transmis en tant que révélation. Donc le Coran et la sunnah font partie des révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce sont des sources référentielles indiscutables pour le musulman. Non, n'en déplaise aux coranistes. Je ferme ici ma parenthèse et je reprends dans les explications de Cheikh Obeid. Et donc, Allah azawajal dans ce Coran, dans le verset a donc expliqué et a plutôt ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et appelle au sentier de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation. Concernant la sagesse, on a vu l'explication des Mufassirun rahimahumullah à ce sujet. Concernant la bonne exhortation, Cheikh Obeid al-Jabiri explique, il rajoute dans les explications qu'il a prodiguées et qu'il a transmises. Et concernant la bonne exhortation, il a dit, c'est-à-dire parce qu'elle contient comme élément dissuasif et comme mention faite aux gens des événements survenus, c'est-à-dire des incidents, yani les menant à redouter le châtiment d'Allah. Non. C'est-à-dire que, par exemple, j'ouvre ici une parenthèse, par exemple, des fois on peut mentionner à des gens ce qui est arrivé dans les peuples précédents. Il y a des peuples précédents qui ont été des peuples désobéissants à Allah. Il y a des événements qui sont survenus. C'est-à-dire qu'Allah a exterminé des peuples qui ont été désobéissants. Par exemple, en agissant de la sorte, en mentionnant les histoires des peuples et de leur fin funeste qui leur sont arrivées de par leur persistance dans la désobéissance d'Allah, il y a en cela une exhortation et un moyen de dissuader les gens de continuer dans le péché. Non. Et sa parole dans le sens, et ne débat avec eux que de la meilleure des manières, c'est-à-dire la partie du verset qui mentionne, et ne débat avec eux que de la meilleure des manières, c'est-à-dire celui qui d'entre eux a besoin d'un débat, d'un échange d'arguments, que cela soit fait de la meilleure des manières, avec douceur, mansuétude et avec de bons propos. Comme Allah l'a mentionné dans le verset dont le sens en français est, et ne débattez avec les gens du livre, si ce n'est de la meilleure manière, à l'exception de ceux qui auraient transgressé parmi eux. Allah lui a donc ordonné d'interagir avec douceur, comme il l'avait ordonné à Moussa et Haroun, lorsqu'il les envoya, c'est-à-dire tous deux, à l'attention de Pharaon, et leur dit selon le sens du verset, « Adressez-lui une parole douce, peut-être se rappellera-t-il ou craindra. » J'ouvre ici une parenthèse. L'importance d'être doux dans la da'wah. Car, rendez-vous compte, Pharaon, qui était cet individu? C'était un mécréant, oppresseur, transgresseur, et qui était quelqu'un qui a persisté sur l'entêtement dans l'égarement, jusqu'à ce que la mort lui vienne, en vérité. C'est-à-dire dans le sens où, jusqu'à ce qu'il était dans l'eau, il a rejeté et il s'est obstiné. Mais cet individu, lorsqu'Allah l'a envoyé, a envoyé plutôt à son attention, afin de lui administrer, de lui transmettre la vérité, deux de ses messagers, Moussa ou Haroun, il leur a dit de lui adresser une parole douce. Alors que cette personne-là était une personne qui était un transgresseur, un corrupteur. Donc on voit l'importance d'être doux dans la da'wah afin de tirer le meilleur des gens. Mais bien entendu, la douceur est mise à sa juste place et la dureté et la sévérité est mise à sa juste place. Taïeb. Et sa parole dans le sens en français, Azzawajal, certes, ton Seigneur est plus savant concernant celui qui s'égare de sa voie, et il est le plus savant concernant ceux qui suivent la guidance. L'explication de cette partie du verset est, c'est-à-dire qu'Allah sait déjà qui sera le damné parmi eux, et le bienheureux parmi eux, et il l'a fait inscrire cela auprès de lui. Alors, appelle-les à Allah, et que ton âme ne soit pas consumée par le regret quant à celui d'entre eux qui se sera égaré, car leur guidance ne t'incombe pas. Tu n'es qu'un avertisseur auquel il incombe de transmettre et à nous d'établir le jugement. Et il mentionna le verset de Surat al-Baqarah, le verset 272, dont le sens est « Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes. » Ça, c'est un point important. J'attire l'attention sur ce sujet-là. On avait vu que la guidance est de deux. Les ulema ont expliqué que la guidance est de deux. C'est, il y en a la guidance d'orientation et la guidance d'acceptation de la vérité, d'avoir le succès quant à l'acceptation de la vérité. Quelle est la différence? La première, la guidance d'orientation, c'est le fait qu'un savant, un talib, un musulman lambda qui a étudié correctement un sujet, il peut orienter son frère vers la vérité. Il peut lui clarifier la vérité, l'orienter vers la vérité, il peut appeler un kafir à l'islam à son échelle, etc. Donc, si il lui adresse le message, le fait que le cœur accepte la vérité. Que par exemple, dans un exemple plus concret, qui sera meilleur à mentionner, on fait la da'wa à un kafir. On fait la da'wa à un kafir. Donc ça, c'est la guidance d'orientation. C'est une guidance que nous possédons, si nous avons appris correctement. On l'oriente en le guidant vers l'islam. Ça, c'est une guidance, il y en a dans cet aspect-là, dans cette perspective-là. Mais quant au fait que l'individu, son cœur soit affecté par l'appel à Allah, que son cœur accepte, corrobore, approuve la vérité et veuille suivre la vérité, se conforme à la vérité, ça c'est une guidance de succès que Allah seul possède. C'est pas toi qui guides les cœurs. Et c'est ça qui est voulu par le verset, certes tu ne guides pas celui que tu aimes. Taïeb, qui était visé par celui que tu aimes dans ce verset? Ça visait qui? Ça visait l'oncle du prophète Mohammed. Son oncle Abu Talib, qui avait secouru, qui avait aidé, qui avait protégé autant que possible le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas par rapport à sa religion, mais par rapport à l'affection qu'il avait envers lui, parce qu'il était de sa famille, il était de sa tribu, il était un des siens. Naam. Et il l'a protégé, il l'a aidé pendant des années. Mais il est mort mécréant. Et Allah a mentionné concernant cet événement-là, certes tu ne guides pas, c'est-à-dire, ô toi Mohammed, certes tu ne guides pas celui que tu aimes. Taïe. Donc là, on va passer au sixième point. C'est-à-dire que dans les caractéristiques du da'i, du prédicateur, sur les neuf, on en a vu cinq. Qui peut me les énumérer parmi vous? Barakallahu fikum. Ouvre le micro, la samahat. On va voir si les frères, ils ont retenu. Sachant que ce n'est pas la première fois qu'on les aborde. On les a déjà avancés et énoncés et mentionnés dans l'assise d'il y a deux semaines. Donc vous avez eu deux semaines. Après, certains se prétexteront du fait qu'il y a eu le Eid. Donc c'était les vacances. Taïb, yallah. Est-ce que l'un d'entre vous peut les mentionner? Personne? Même pas Doris? Tu crois que je te voyais pas? Al-Hirs, naam, la diligence, le fait de désirer ardemment la guidance des gens, ça c'est le premier, naam. La douceur, taïb, naam, le fait de faire preuve de douceur, ensuite. La bonne exhortation, ça c'est le quatrième. En troisième, il y a quelque chose d'avant. Il y a quelque chose d'avant. Tayyib, Arsent, la sagesse. Non. Ensuite, quatrièmement, la bonne exhortation. Cinquième. Arsent, barakallahu fik. Très bonne réponse. Le fait de débattre de la meilleure des manières. Donc sur les neuf caractéristiques, ça c'en est les cinq premières. Donc là, on va aborder, inshallah, le sixième. Donc, Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, avait mentionné « Sadisan al-fiqh, wa huwa ilmuhu bil-ma'murat wal-manhiyat » C'est-à-dire, le sixième point, le fiqh. Et là, dans ce contexte-là, ce n'est pas la jurisprudence qui est voulue. Ce qui est voulu, « wa huwa ilmuhu bil-ma'murat wal-manhiyat » C'est-à-dire, la connaissance qu'a le prédicateur quant aux ordres et aux interdits. C'est-à-dire qu'il connaît ce qu'Allah a ordonné et qu'il connaît ce qu'Allah a interdit. Taïd. Naam. Et ça, c'est important. Le septième point, bayanul haqq linnas, le fait de clarifier la vérité aux gens, wa hathuhum alayhi bil adillah, et le fait de les y inciter, c'est-à-dire à l'égard de la vérité avec les preuves. Mais également bayanul batil ayda, le fait de clarifier le faux également. Et mettre en garde les gens à son encontre avec les preuves. Wa tahdhirun nas minhu bil adillah. Tayyib. Donc ça c'est le sixième point, c'est le fait d'avoir du savoir. La connaissance des ordres des interdits islamiques. Le septième, le fait de clarifier la vérité aux gens et de les y inciter avec les preuves et de leur clarifier le faux et de les mettre en garde contre le faux avec les preuves. Taïb. Huitièmement, thaminen, que ton âme ne soit pas consumée par le regret. C'est-à-dire que tu ne laisses pas ton âme être consumée et rongée par le regret concernant celui qui aura rejeté la guidance d'Allah. Car ceci est une chose qu'Allah a interdit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci est le décret d'Allah découlant de sa sagesse, et ceci est ce qu'Allah a établi au sein de sa création, à savoir que vive celui qui doit vivre en ayant connu la vérité, en ayant connu la preuve, et que périsse celui qui doit périr en ayant connu la preuve. C'est-à-dire que, une fois que la vérité a été clarifiée à la personne, si la personne a s'entête dans le faux, tu ne dois pas laisser cela te ronger. Car la sagesse d'Allah se concrétise concernant cette personne-là. Cette personne-là, si elle est prédestinée à l'égarement, Allah, il le sait déjà. Naam. Et que peut-être cette personne-là, elle va vivre donc toute sa vie en ayant connu la vérité lui a été transmise, la vérité lui a été enseignée, mais la personne s'est obstinée de façon orgueilleuse et obstinée, et jusqu'à ce que la mort lui vienne, elle sera dans cet état-là. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas patienter dans la da'wa. Ça doit être compris. C'est-à-dire que la da'wa, elle nécessite de la patience. C'est-à-dire que les gens, par exemple, une personne qu'on connaît qui est sur la mécréance, elle ne va pas forcément se convertir en une assise. Naam. Ou bien une personne qui a des péchés, ou une personne qui a des manquements, des déficiences dans sa religiosité, elle ne va pas forcément délaisser ça suite à une seule exhortation. Des fois, il faut un peu de temps, un peu de patience. Donc la da'wa nécessite également de faire preuve de patience. Il ne faut pas s'empresser. faut pas s'empresser non plus. Taïb. Le neuvième et dernier point, at-tasaddi li shubah al-mubtilin, c'est-à-dire le fait d'être un rempart contre les ambiguïtés des adeptes du faux et de ceux qui suivent leur passion, et de réfuter ces ambiguïtés avec force et avertir contre elles, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi de la sorte. Taïb. Justement, Cheikh Obeid al-Jabri va donner des exemples. Il va donner deux exemples. Un exemple prophétique, c'est-à-dire un événement, une anecdote qui est survenue entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, nouvellement convertis à l'islam, et une anecdote pour imager cela parmi l'attitude qu'il y a eu de la part d'un des sahaba, radiallahu anhum. Donc justement, Cheikh Obeid al-Jabri a dit, nous prendrons un exemple lorsqu'il sortit pour se rendre à Hunayn, après la conquête de la Mecque. Non. Donc, la conquête de la Mecque, en quelle année ça a eu lieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire? La conquête de la Mecque, en quelle année ça a eu lieu? Ya ma chère. Personne ne sait? La 8e après la Hijra. Taïb, Arsène. Taïb, Arsène, la 8e année de la Hijra. Barakallahu fik. Naam. Et donc, c'est dans la 8e année de l'Hijra, comme l'a mentionné Ibn Abil Aiz al-Hanafi dans sa poésie Al-Urjuz al-Mi'iyya. Rahimahullah. Taïb. Donc, Cheikh Obeid al-Jabri donne un exemple de lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit à Hunayn après la conquête de la Mecque. Donc, Cheikh Obeid al-Jabri a dit, nous prendrons un seul exemple. Lorsqu'il sortit, sallallahu alayhi wa sallam, pour se rendre à Hunayn, après la conquête de la Mecque, les gens passèrent aux abords d'un arbre qu'on appelait Dhatu Anwat. Comme dans le hadith de Abi Waqid al-Layfi, dans lequel il rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sortit pour se rendre à Hunayn, il passera près d'un arbre qui appartenait aux polythéistes, que l'on appelait Dhatu Anwat, auquel les polythéistes suspendaient leurs épées. Naam. Et les compagnons dirent, ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre auquel on suspendrait nos épées comme ils le font avec les leurs. Suite à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Subhanallah. Ceci est similaire à la parole du peuple de Moussa, lorsqu'ils s'adressèrent à Moussa en lui disant, désigne-nous une divinité similaire à ceux-là qui ont une divinité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui dans la main duquel se trouve mon âme, certes vous suivrez les voies de ceux qui vous ont précédé. Taïb. D'abord, concernant Dhatu Anwat, qu'est-ce que ça veut dire? Dhatu Anwat. Le terme Anwat est le pluriel de Naut, comme Cheikh Obeid al-Jabri rahimahullah l'a mentionné dans son explication de Qawada Arba. Dans son explication des quatre règles, le Cheikh Obeid al-Jabri a dit Anwat, c'est le pluriel de Naut. Et le terme Naut renvoie au fait d'accrocher ou de suspendre une chose à une autre. C'est-à-dire de suspendre ou d'accrocher quelque chose à quelque chose. Et donc, Dhatu Anwat, cet arbre-là, était appelé comme ça par les gens, parce que c'était un arbre auquel les gens suspendaient des épées pour obtenir la baraka. Pour obtenir la baraka. Ils espéraient obtenir la baraka. Donc les polythéistes accrochaient leurs épées à cet arbre-là pour espérer obtenir une baraka. Taïb, qu'est-ce que la baraka? La baraka, que beaucoup traduisent par la bénédiction, mais quelle est sa définition? Notre cher Cheikh Khalid al-Dhafiri nous a enseigné que Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim avait dit que la baraka, kathratul khayr wa dawamuhu, c'était l'abondance du bien et sa constance. Al-baraka, kathratul khayr wa dawamuhu, c'est-à-dire l'abondance du bien et sa constance. Taïb. Donc mettez-vous en circonstance et mettez-vous en situation concernant cette situation. C'est-à-dire cette situation prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de certains des sahaba, et c'était des sahaba hudatha bi'ahdin bi-kufr. C'est-à-dire qu'ils étaient sortis de la mécréance depuis peu. C'est-à-dire qu'ils étaient rentrés en islam depuis peu. Ils ne connaissaient pas tous les préceptes de l'islam. Et ils ont vu qu'il y avait des polythéistes, qu'il y avait un arbre qu'on appelait Dhatu Anwat, donc c'est-à-dire un arbre auquel on suspendait des épées, et autour duquel les polythéistes se recueillaient. Et donc justement, les sahaba, ces jeunes sahaba dans l'islam, ont voulu avoir un arbre similaire. Et donc leur demande a été adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il leur désigne un arbre similaire, pour faire la même chose. Et demander la baraka, chercher à obtenir la baraka d'un arbre, c'est une forme de shirk. C'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coupé court à cette voie de l'égarement, en disant « Subhanallah ». C'est-à-dire que le prophète a censuré cette chose, a blâmé cette chose, a condamné cette chose d'une manière forte, cherchant par cela à créer quelque chose dans le cœur des sahaba, une peur vis-à-vis du fait de solliciter à nouveau le prophète pour quelque chose de similaire. Et donc concernant cet événement, Cheikh Obeid al-Jabiri cite une parole d'Ibn al-Qayyim dans laquelle il dit « Et dans cette phrase, il y a des enseignements bénéfiques. Le fait que l'acte accompli par ceux qui ont une croyance concernant les arbres, les tombes, les pierres, croyant pouvoir en tirer la baraka, qui se recueillent près d'eux, puis qui leur vouent des sacrifices rituels, ceci est du polythéisme, et ne soient pas leurrés par qui que ce soit à ce propos. Et cet acte qui est du shirk, il n'est pas impossible qu'il puisse survenir au sein de la communauté. En effet, étant donné du fait que des compagnons, radiallahu anhum, l'ont perçu comme étant correct, et l'ont demandé au prophète, au point qu'il leur clarifia que leur demande était similaire à celle faite par Banu Israël, qui était « Désigne-nous une divinité similaire à leur divinité. » Alors qu'en est-il d'autres que eux, c'est-à-dire qu'en est-il des autres qui ne sont pas du nombre des compagnons, avec la prédominance de l'ignorance et le fait que cela soit après l'époque prophétique. On tire également comme enseignement que l'aspect pris en considération dans les jugements émis, c'est les significations, pas les appellations. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré leur demande, c'est-à-dire celle de ses compagnons, comme étant similaire à celle de Banu Israël, et il n'a pas pris en compte l'appellation qu'il lui avait donnée, Dhatu Anwat. Donc le polythéiste, quel qu'en soit le nom qu'il emploie pour nommer son acte de polythéisme, à l'image de celui qui, Yanni, se livre à l'invocation des morts, ou le sacrifice rituel qu'il leur voue, le vœu pieux qu'il leur consacre, avec vénération et amour, ceci est du polythéisme, quelle qu'en soit l'appellation qu'il emploie, et ainsi de suite. J'ouvre ici une parenthèse. Ce à quoi Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim a attiré, vis-à-vis de quoi Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim a attiré l'attention, c'est que nous, on prend en considération l'essence et la réalité d'une chose. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les gens, et ça, c'est une ruse iblissia, comme a enseigné notre cher, Cheikh Khalid al-Dhafiri, le fait de nommer le péché par des choses, yani, positives, amélioratives, le fait de donner des bons noms au péché. Parce que, justement, quand Iblis, il a séduit notre ancêtre, Adam, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il lui a dit pour l'inciter ? Il a dit, ne t'orienterai-je donc pas vers un, yani, vers l'arbre de l'éternité et d'un royaume éternel, un royaume impérissable. Là, en fait, de quoi il parlait ? Il parlait de désobéir à Allah. Mais regardez comment il lui a enjolivé le concept. Et on a cette chose-là qui se retrouve dans beaucoup de choses. Non ? C'est-à-dire que, par exemple, de nos jours, chez les koufars, quand ils parlent des enfants de zina, ils disent les enfants de l'amour. Ils appellent comme ça. Avant, c'était blâmable dans la communauté, même chez les mécréants, le fait d'avoir un enfant en mariage. Maintenant, ils appellent les enfants de l'amour. C'est une belle appellation pour essayer d'enjoliver quelque chose qui est interdit en islam et qui est interdit depuis des siècles, et voire peut-être même des millénaires. Walil alhamd. Et par exemple, si vous voyez les alcools, l'alcool, ils appellent ça l'eau de vie des fois. Une chose qui amène tant de corruption, tant d'immondices dans les communautés, que ce soit les communautés musulmanes ou non musulmanes. Ils appellent ça eau de vie, des spiritueux, avec de beaux noms, des noms enjolivés. Tout ça, c'est pour enjoliver quelque chose qui, à la base, est laid et mène à la catastrophe de l'être humain. Wal-a'yadhu billah. Tayyib, je reviens au propos de Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim que Cheikh Obeid al-Jabiri a mentionné. Donc, on tire également comme enseignement que tout ce qui est adoré est une divinité. Car Bani Israël et ceux parmi les compagnons ont fait une demande au prophète, ne désiraient pas des idoles ni de l'arbre, la création ou la subsistance. Ils ne désiraient pas obtenir des idoles ou de l'arbre, la création ou la subsistance. Ce qu'ils désiraient, c'était la baraka, et s'y recueillir. Et ceci en soi fut un établissement d'un écal avec Allah. C'est-à-dire que le fait de chercher la baraka en dehors d'Allah, c'est du shirk. C'est du shirk. Non. Le fait de chercher la baraka en dehors de ce qu'Allah a légiféré et de ce qu'Allah a transmis, yani, d'une manière qui n'est pas conforme à ce qu'Allah a transmis plutôt, ceci est du shirk. Le fait de chercher la baraka par le fait de se frotter à des tombes de morts, ou bien de venir suspendre des choses, ou de se frotter à un arbre, etc. Le fait d'essayer d'obtenir la baraka d'une manière qui n'est pas conforme, ça va te mener à tomber dans du shirk. Ça va être du shirk du fait d'agir de la sorte. Non. Et donc, Cheikh Obeid al-Jabiri, après cette citation de Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim, avait mentionné « Et ainsi était la voix de nos prédécesseurs parmi les compagnons et les successeurs des compagnons, Car dès lors qu'émergeait une innovation, type note du traducteur, qu'est-ce qu'une innovation ? Ma uhditha fi din ma laysa minhu, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan. C'est-à-dire l'innovation, la bid'a, c'est ma uhditha fi din ma laysa minhu. C'est-à-dire ce qui a été innové et introduit dans la religion, mais qui n'en faisait pas partie initialement. C'est-à-dire ce qui a été innové et introduit dans la religion et qui n'en faisait pas partie initialement. Non. Donc, et ainsi était la voix de nos plus prédécesseurs parmi les compagnons et les successeurs des compagnons, car dès lors qu'émergeait une innovation et qu'elle se répandait, ils lui faisaient face avec sévérité. C'est-à-dire que les Sahaba, ils ne laissaient pas une innovation se propager. Dès qu'ils faisaient face à une innovation, ils mettaient fin à cette innovation rapidement. Et Cheikh Obeid al-Jabari donne un exemple de cela. Il dit, lorsqu'émergea le rejet du destin affirmé par Ma'bad ibn Khalid al-Juhani, les gens la condamnèrent. Et certains parmi les tabi'un, note du traducteur, ce sont ceux qui ont rencontré et étudié avec les sahaba, mais qui n'ont pas été des contemporains et qui n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque le rejet du destin, le rejet de la prédestination, a été affirmé par Ma'bad ibn Khalid al-Juhani, qui était un innovateur, les gens ont condamné cela. Et certains tabi'un vinrent à Ibn Umar, c'est-à-dire Abdullah ibn Umar ibn Khattab, radiallahu anhuma, et il était un des compagnons du messager d'Allah, encore vivant à cette époque. Ils l'informèrent de la situation en lui disant, « Oh Abba Abdurrahman !» Ça, c'est la kunya de Abdullah ibn Umar. Sa kunya était Abu Abdurrahman, radiallahu anhuma. Et donc, il disait, ils lui ont dit plutôt, « Sont apparus parmi nous des gens qui disent, il n'y a pas de prédestination, mais l'affaire est indéterminée, c'est-à-dire aléatoire. » Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une croyance qui consiste à dire que Allah n'a pas prédestiné les choses. C'est un rejet du destin. Que les choses sont aléatoires. C'est indéterminé. Ce n'est pas quelque chose qui est connu au préalable par Allah. C'est un rejet du destin. Lorsque, justement, ils ont décrit ces gens-là qui avaient été affectés par cette ambiguïté, qui disaient qu'il n'y avait pas de prédestination, mais plutôt que l'affaire était indéterminée, donc aléatoire, suite à quoi Ibn Umar radiallahu anhu, radiallahu anhuma a dit, informez-les du fait que je me désavoue d'eux et qu'eux n'ont rien à voir avec moi. Par Allah, si l'un d'entre eux venait à posséder l'équivalent de la montagne de Uhud en or et qu'il le dépensait dans le sentier d'Allah, ceci ne serait pas accepté de lui jusqu'à ce qu'il croie au destin, bon comme mauvais. Fin de citation. C'est une réprimande très sévère. Donc vous voyez comment Abdullah ibn Umar, il a condamné sévèrement, il a dit directement, informez-les, c'est-à-dire ces innovateurs, du fait que je me désavoue d'eux et qu'eux n'ont rien à voir avec moi. Et après, il a mentionné que si l'un d'entre eux venait à donner l'équivalent de la montagne de Uhud, c'est une chaîne de montagnes. C'est quelque chose d'énorme. Si l'un d'entre eux la possédait en or et la donnait en aumône fi sabilillah, c'est un don énorme. Ceci ne serait pas accepté de eux jusqu'à ce qu'ils croient au destin. Qu'est-ce que ça implique, le fait que ce ne soit pas accepté d'eux ? Ça veut dire que c'est du kufr. C'est-à-dire que le rejet du destin, c'est de la mécréance. Donc c'est un sujet très important. Parce que, comme les ulémas l'ont expliqué, celui qui rejette le destin, qui est un des six piliers de la foi, pour rappel, on avait vu que la foi était basée sur six piliers. La foi en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, la foi au destin, et la foi au jour dernier, pardon, et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc celui qui rejette le destin, sciemment, alors cette personne-là n'est plus musulmane. Taïb. On va commencer à aborder, bi-idhnillahi azzawajal, le quatrième point. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah. Donc le quatrième point, les trois premiers points qu'on a vus, c'était quoi ? El-ilm, la connaissance, le savoir, qui était la connaissance d'Allah, de son messager, de la religion de l'islam avec les preuves. Ça, on l'a étudié. Le deuxième point, c'était al-amal bih. Le deuxième point, c'était la mise en application. Le troisième point, c'était ad-da'watu ilayh, le fait d'appeler à cela. Et dedans, dans cette partie-là, il y a eu 9 caractéristiques du prédicateur, na'am, qui ont été expliquées par Cheikh Obeid. Quatrième point, c'est as-sabru 'ala al-adhafi, c'est-à-dire la patience face aux répercussions dans cela. C'est-à-dire que quand tu vas appeler les gens au bien, les gens, ils vont, comme les ulama ils le disent, quand tu appelles les gens au bien, à délaisser le mal, à délaisser le péché, à délaisser la désobéissance, que tu les appelles à obéir à Allah, c'est pas quelque chose que tout le monde accepte. Et donc les gens ne vont pas t'attendre dans ton appel au khair et à la réforme avec un tapis rouge et des pétales de rose. Tu vas être amené à subir des torts, des exactions, des nuisances de la part de ceux qui sont récalcitrants quant à la conformité à cet appel. Donc, il y a la patience qui est impliquée face aux répercussions dans cela. Cheikh Obeid Ajebele dit, c'est-à-dire dans la religion d'Allah, car en tout lieu et de tout temps, les gens qui appellent à Allah avec clairvoyance sont atteints par le mal. Cependant, ceci va différer selon les époques et les lieux. Si dans un lieu, la sunna y est forte et la croyance salafie y est forte, alors le mal subi sera moindre. Tandis que si la croyance est affaiblie au sein des cœurs et le cramponnement, c'est-à-dire la rigueur y en est sur la sunna, est faible dans une localité, alors le prêcheur appelant à Allah, appelant à la sunna, excusez-moi, ainsi qu'à la réforme du dogme, sera marginal. Et dans ce contexte-là, le mal subi sera plus grand. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que c'est le déri, selon l'état du peuple dans lequel il est, il subira plus ou moins du mal. C'est-à-dire que s'il est dans un endroit où les gens sont très religieux, sont très pratiquants, ils sont fermes sur la sunna, bah lui, en tant que prédicateur, il subira peu de mal, parce que la majorité des gens sont déjà en accord avec lui, ou sont enclins à accepter son message. Par contre, s'il est dans une localité, dans une ville, ou dans un pays, où l'islam est peu pratiqué, il y a peu de pratiquants, ou même les pratiquants ont des faiblesses dans leur pratique, ils ont des erreurs dans la croyance, ils ont des erreurs dans leur pratique, ils ont des manquements, bah lui, là, quand il va appeler au khair, il va être amené à subir plus de mal que l'autre prêcheur qui est dans un pays où, entre guillemets, il est en terrain conquis, comme on dit. C'est-à-dire dans le sens où les gens sont déjà, yani, enclins à accepter ce qu'il va leur transmettre. Non. Cheikh Obeid Ajebele explique, celui qui souhaite établir la preuve d'Allah sur les serviteurs, il lui incombe de patienter. Prenant comme exemple le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les réformateurs parmi les imams de guidance, parmi les sahaba, leurs successeurs et ceux qui sont venus après eux. Et pour cela, et c'est pour cela que tu trouveras que les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur sont le plus similaires, puis ceux qui leur sont le plus similaires parmi les prêcheurs appelant à Allah sur une clairvoyance. Et l'individu, lorsqu'il s'enrôle dans les rangs des prêcheurs à Allah, appelant à la guidance, à la religion de vérité, il va certainement se sentir étranger parmi les gens. C'est-à-dire qu'il va se sentir marginal. Il va se sentir étranger parmi les gens. Il sera affecté par de la solitude, de par le faible nombre de ceux qui cheminent à ses côtés, et du grand nombre de ceux qui s'opposent à lui. Cependant, ceci ne lui nuit pas, et il n'est pas permis d'être leurré par le grand nombre, ni de s'abstenir à cause du petit nombre. Ça, c'est un point important. Et ça, justement, c'est un des points qu'a extrait le cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son ouvrage Kitab al-Tawhid. Dans les points mentionnés au sein du chapitre, quiconque concrétise le Tawhid rentrera au paradis sans jugement. C'est-à-dire que Cheikh al-Islam, dans Kitab al-Tawhid, là c'est une parenthèse que j'ouvre, il a un chapitre, yani, chapitre concernant quiconque concrétise le Tawhid rentrera au paradis sans jugement. Et il a mentionné des versets, des hadiths, des textes, comme à son habitude. Et après, il fait une extraction de points bénéfiques, c'est-à-dire d'enseignements bénéfiques que l'on tire dans ce sujet. Et dans le 16e point, il avait mentionné que la personne ne doit pas être leurrée quant au grand nombre et ne doit pas s'abstenir par rapport au petit nombre. Ça s'applique à tout à chacun, c'est-à-dire ça va s'appliquer concernant le prédicateur comme ça s'applique au croyant lambda. C'est-à-dire, le prédicateur, lui, à son échelle, il ne doit pas être leurré par le fait qu'il ait une cause de beaucoup de gens qui suivent son appel. Ça ne doit pas le leurrer par rapport à sa situation. Ça ne doit pas l'induire en erreur, le fait qu'il ait beaucoup de suiveurs. Ou qu'il ait peu de suiveurs, parce que des fois, certaines personnes, ils appellent à Allah, ils enseignent, ils voient que peu de gens le suivent et ils s'arrêtent. Dit les gens ne m'écoutent pas, les gens ne me suivent pas, les gens n'acceptent pas la vérité que je leur donne. Alors qu'en vérité, il y a des prophètes qui vont venir Yom Al-Qiyamah avec une grande communauté, avec un grand nombre de suiveurs, mais il y a un prophète que le prophète s'enseigne a décrit qui viendra Yom Al-Qiyamah tout seul. Personne de son peuple ne l'aura suivi. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait dû arrêter? Non. Le but, c'est de transmettre le message. L'acceptation du message n'incombe pas au prédicateur. Donc le prédicateur, il doit appeler à Allah qu'un grand nombre accepte son message ou qu'un petit nombre accepte son message ou non. Comment ça s'applique et comment ça concerne le prédicateur. Concernant le musulman lambda, des fois la personne elle peut être affectée. Des fois les gens ils vont vouloir suivre celui qui a le plus de suiveurs. Ça va être ça leur critère. Leur critère ça va être ça, le grand nombre. Ça c'est une erreur. La vérité est la vérité. La vérité n'est pas corroboré par le nombre. C'est pas le nombre qui fait la vérité. C'est pas le grand nombre qui fait la vérité. Car Allah Azza wa Jalla avait dit à son messager alayhi salatu wa salam, dans le sens du verset, Et si tu suivais la majorité des gens, ils t'égareraient certainement du sentier d'Allah. Donc on ne doit pas faire du grand nombre le critère décisionnel concernant qu'est-ce qui est la vérité ou pas. Et également le petit nombre, si tu vois, si la personne voit que les croyants sont en petit nombre, ça ne doit pas le pousser à s'abstenir de les suivre. Si c'est la vérité et qu'ils sont sur la vérité, même s'ils sont en petit nombre, il doit se cramponner à eux. Il doit suivre leur voie. Car la voie sur laquelle ils sont, c'est la vérité, même s'ils sont dans un nombre minime, même s'ils sont une minorité. Et Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim avait abordé ce qu'on appelle al-ghurba, le fait d'être des ghurabas, d'être des marginaux, d'être comme des étrangers parmi les gens. Il avait expliqué que les gens de l'islam sont comme des... ils sont au sein des gens de la dunya, sont des étrangers. C'est-à-dire que déjà, ils sont comme des marginaux, des gens qui sont en marge, qui sont une minorité. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit, les gens de l'islam, il avait dit que les gens de l'islam par rapport aux gens de la dunya, ils sont comme le poil blanc sur le taureau noir, ou comme le poil noir sur le taureau blanc. C'est-à-dire qu'ils sont une minorité. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avait dit que ça c'était pareil avec Ahl Sunna parmi les musulmans. C'est-à-dire les gens qui se cramponnent fermement à la Sunna parmi les gens qui s'affilient à l'islam sont comme un poil noir sur le taureau blanc ou comme le poil blanc sur le taureau noir. C'est-à-dire une minorité. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avait dit que donc les gens de l'islam par rapport aux gens de la dunya, c'est-à-dire les koufars, sont des étrangers. Et que les gens de la Sunna parmi les gens de l'islam sont des étrangers. Et que les gens de science parmi les gens de la Sunna sont des étrangers. Donc le fait d'être peu, le fait d'être un nombre minime, ça ne veut pas dire qu'on est sur le faux. L'important c'est est-ce qu'on est conforme à ce que Allah a révélé, à la conformité du Coran et à la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Si tu es sur cette voie, tu es sur la vérité. Quand même le nombre de ceux qui sont auprès de toi sont en grand nombre ou en petit nombre. Le grand nombre ne t'induit pas en erreur, comme le petit nombre ne te poussera pas à délaisser la vérité. Non. Et avec ceci, nous nous arrêtons aujourd'hui, sachant que le prochain point sera l'étude du dalil, c'est-à-dire l'étude du dalil qui est surat al-Asr. Car Cheikh al-Islam a émis ces quatre points. Il avait dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous incombe de connaître quatre points. Le premier, la science. Deuxièmement, la mise en application. Troisièmement, le prêche. Quatrièmement, la patience face aux répercussions qui découlent de ce prêche. Ces quatre points-là sont établis avec comme preuve surat al-Asr. Et on verra la surat al-Asr ainsi que son tafsir, qui sera celui de Cheikh Ubayd al-Jabri dans l'assise de la semaine prochaine, Incha'Allahu Ta'ala. Et normalement, demain, bi'idhnillahi azzajal, nous aurons notre assise autour des explications de Cheikh Ubayd concernant l'épître de Umdat al-Fiqh d'Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah. Nous sommes toujours dans le chapitre de la purification. Donc nous nous arrêtons là concernant notre assise. Barakallahu fikum, hadha wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah.